Chapitre 5e. 3 jours après l'entrevue que nous venons de raconter, Arthur Herret, de la fenêtre du petit appartement de garçon qu'il avait loué dans une des rues aboutissant au Strand, contemplait le panorama de la Tamise, cette grande route silencieuse. Le jeune homme était venu se jeter dans le tourbillon de Londres pour essayer de guérir la blessure de son cœur. Il avait aimé Cecily, il l'aimait encore, et il lui avait été impossible de rester dans cette ville où elle allait devenir la femme d'un autre. Il était entré chez un avoué célèbre de la cité afin de terminer ses études de droit. C'était là un prétexte sans aucun doute, et dont sa famille même ne fut pas dupe, mais on ne chercha point à le retenir. Arthur, malgré ses travaux, ne pouvait bannir de son cœur la douce image de cette jeune fille aux yeux bruns, aux caressants sourires. Mais à côté de cette image se plaçait aussi celle de l'homme, de l'étranger, qui avait réussi là où lui, l'ami d'enfance, avait échoué. Après tout, peut-être, Cecily serait-elle heureuse? Les préjugés, les soupçons contre ce pasteur ne sont-ils que le résultat de la jalousie? Pourquoi ce pasteur ne serait-il pas un homme honnête et véritablement religieux? D'ailleurs, se disait encore Arthur, Cecily aime ces deux îles au sinistre regard, ou croit l'aimer, parce que le cœur de la jeune fille est toujours romanesque, généreux et prêt à se dévouer. C'est de la religion dont Cecily est amoureuse, ce n'est point du prêtre. Telles étaient les réflexions qui hantaient constamment l'esprit d'Arthur Herret, le pauvre garçon, ne trouvant ni dans l'étude, ni dans le bruit ou le mouvement de la grande ville, le calme, l'apaisement qu'il cherchait. Un jour qu'il marchait dans le Strand, plongé dans son habituelle rêverie, une apparition le fit tressaillir. Il crut reconnaître dans un passant son rival, le pasteur des dissidents, celui dont le souvenir le poursuivait sans cesse. Deux îles, car c'était bien lui, pressait le pas. Arthur le suivit, d'autant plus intrigué par la présence du ministre à Londres que celui-ci semblait porter un déguisement. Une longue redingote olive, une cravate de fantaisie, avait remplacé la tenue ordinairement sévère et correcte du pasteur. Après avoir traversé 2 ou 3 petites rues obscures, Desilles s'arrêta au fond d'une ruelle devant une boutique de mauvaise apparence. À la vitrine de ce magasin, on ne voyait que des perruques ou des barbes postiches. Qu'allait chercher le révérend de Marston chez un perruquier de théâtre? Ses cheveux étaient à lui. Là-dessus, les yeux d'un rival ne pouvaient se tromper. Les vieilles filles et les demoiselles de Marston avaient toutes raffolé de la chevelure du pasteur. Cependant, Desilles était entré dans la boutique, tandis qu'Arthur stationnait de l'autre côté de la ruelle, commençant un métier d'espion. Au bout de quelques minutes, le pasteur reparut sur le seuil du magasin. Il tenait à la main une petite boîte de carton et reprenait, à travers les rues, une course dont le but ne pouvait être deviné par Arthur Herret, qui se détermina à ne pas perdre de vue cet homme dont les allures étaient si étranges. Desilles, sans chercher son chemin, gagna un de ces tristes et noirs quartiers de Londres où se cache la misère. Au fond d'allées puantes, des enfants aux pieds nus, à peine vêtus de haillons sordides, dont les trous révélaient des épaules de squelettes, jouaient dans la boue des ruisseaux. Des femmes, ou plutôt des créatures sans nom, se montraient çà et là, aux portes, aux fenêtres de vieilles masures, aux murs crevés, rongés par l'humidité, et au rez-de-chaussée desquelles, des boutiques sales laissaient deviner un commerce épouvantable. Dans ce labyrinthe de cours et de passages, l'espionnage devenait difficile et souvent Arthur Herret fut sur le point de perdre la piste. Une fois même, le chasseur s'arrêta. Le gibier avait disparu au milieu de la foule qui grouillait dans une rue où se tenait une sorte de petit marché. La chaussée était encombrée des charrettes de marchands de poissons, de légumes et même de friandises pour les enfants, car il y a toujours des friandises pour tenter ces petits êtres malheureux qui n'ont pas de pain. Au fond des magasins, Arthur Herret apercevait des vieux meubles, des verres cassés, des porcelaines fêlées, des tableaux, et quels tableaux, dont les cadres paraissaient n'avoir jamais été dorés, et parmi ces débris, ce bric-à-brac de la pauvreté, se balançait, suspendu à de hautes perches, une horrible friperie. Uniformes de généraux, blouses d'ouvriers, habits de gommeux, pelisses fourrées, paletots rapiécés, chapeaux de toutes formes, de toutes couleurs, pendaient en festons étranges des portes aux fenêtres. Le jeune avoué provincial ne pouvait se figurer qu'il existait au monde tant de guenilles. Il lui semblait que dans ses vêtements mous et flasques se trouvaient encore ceux qui les avaient portés. C'était comme une sinistre exhibition de pendus. Arthur Auret ne retrouvait pas le pasteur. En vain, il plongeait son regard dans le fond des magasins. Il ne découvrait pas la trace de Dezil. Il allait peut-être abandonner sa poursuite lorsqu'il se rencontra face à face avec le ministre tenant sous son bras un assez gros paquet qui passa devant son rival sans avoir l'air de le reconnaître, continuant sa route sans même se retourner pour voir s'il était suivi. Arthur continua la chasse, mais au coin d'un carrefour, Dezil monta dans une voiture qui passait et le malheureux avoué, désolé, fut sur le point de parodier le vers de Shakespeare en s'écriant « Mon royaume pour un cab !» lorsque, avant qu'il n'eût perdu de vue la voiture qui emportait son rival, un autre cab vide se présenta. Sauter dedans fut pour Arthur Auret l'affaire d'un instant. « Regardez, dit-il au cocher, ce cab, numéro 8964, qui est devant nous. Si sans vous faire trop remarquer, vous pouvez le suivre, je paye le double du tarif. »« Entendu, monsieur, » répondit le cocher, et enveloppant son cheval d'un vigoureux coup de fouet, il eut bientôt regagné la voiture du pasteur. Celle-ci allait bon train néanmoins, cahotée sur le pavé inégal, se heurtant aux bornes comme aux angles des trottoirs. La course ne dura pas longtemps. Au bout du pont de Blackfriars, dans le voisinage de la prison de Queen's Bench, et devant une maison de modeste apparence, le cab de Dezil avait fait halte. Le ministre solda le cocher, et ouvrant la porte avec une clé qu'il tira de sa poche, il entra comme quelqu'un qui est chez lui. À peu de distance de la maison, le cocher d'Arthur s'était également arrêté et comme il demandait à son client s'il était satisfait. « Très satisfait, » répondit celui-ci en le payant généreusement et en lui donnant l'ordre de le conduire chez un restaurateur du quartier. Tout en dînant, Arthur examinait la singulière conduite de son rival. Il y avait là un mystère, mais comment en avoir la clé ? Et le détective amateur était revenu se promener devant cette maison où le révérend avait pénétré. 7 heures sonnaient en ce moment. La rue était déserte, mal éclairée par quelques becs de gaz trop éloignés les uns des autres. Dans cette demi-obscurité, dans le silence de ce quartier, il était impossible de stationner longtemps au même endroit, sans finir par attirer l'attention du policeman même qui arpentait de son pas uniforme le trottoir où Arthur Auret faisait faction. Pour continuer à surveiller Dezil, il fallait un point d'appui à son rival, ce fameux point d'appui que cherchait Archimède pour soulever le monde. Aux fenêtres de la maison, faisant face à celle où le ministre était entré, des petits carrés de papier collés au carreau indiquaient qu'il y avait des chambres à louer. Le point d'appui était trouvé. En s'installant dans une de ces chambres, Arthur Auret n'avait plus la crainte d'être pris en flagrant délit d'espionnage. Et les agissements si bizarres de ce pasteur qui achetait des perruques ainsi que des vieux habits ne pouvaient lui échapper. Il se décida donc à entrer dans la boutique où derrière un comptoir, entouré de marchandises diverses, trônait la propriétaire de la maison attendant une pratique qui devait être rare. « Vous avez une chambre à louer ?» demanda Arthur Auret à cette femme. « Certainement, » répondit la matrone. « Une chambre fort agréable au second sur la rue, ce qui vaut mieux qu'au premier. » parce qu'on y a plus d'air et que c'est plus sain. « Je prends cette chambre, » dit vivement Arthur, oubliant la prudence ordinaire des gens de loi. « Est-ce pour longtemps, monsieur ?» interrogea la femme, « car je ne pourrais pas louer pour une semaine. »« 2 semaines, 1 mois, si vous voulez, » s'écria le nouveau locataire, dont les yeux ne quittaient pas les fenêtres de la maison de Dezil, observant la silhouette d'un homme dessiné sur le rideau de la croisée. « Le prix est de 7 shillings par semaine, » grommela la vieille, qui devant cette brusquerie commença à avoir de fâcheux soupçons sur la qualité de ce jeune homme élégant, louant une chambre sans l'avoir, et surtout sans débattre le prix du loyer. Pour les propriétaires de logements meublés, un forçat en rupture de banc peut prendre facilement les allures d'un gentilhomme. « Je paierai le mois d'avant, si vous le désirez, » reprit Arthur Auret, qui s'impatientait. « Mais dites-moi, n'y a-t-il pas des locataires dans cette maison-là, en face ?»« Oui, monsieur, et je le connais de vue. D'abord, le propriétaire est un de mes clients. » Puis au premier, il y a un vieil employé au doc et au second, un jeune homme récemment arrivé de province. N'a-t-il pas les cheveux châtains, les yeux gris, le nez arqué? Il est grand et il porte la tête haute. C'est tout à fait cela, exclama la vieille, surprise de l'animation de son locataire, qui, enchanté de son succès, venait de remarquer que la silhouette de l'inconnu avait disparu. Monsieur, ne veut-on pas voir sa chambre? C'est inutile. Voici le montant du mois, dit Arthur en plaçant la somme sur le comptoir. « Je vais chercher mes bagages et je reviens dans 1 heure. »« Est-ce que monsieur couchera ici ce soir ?»« Certainement. »« Comment préparer la chambre si vite ? » murmura la vieille. « Eh bien, ne la préparez pas. Mais pour Dieu, cessez vos objections. Le mois est payé d'avance, et je n'occuperai sans doute cette chambre que 2 ou 3 jours. Mais il faut que j'y sois ce soir même. » Sans discuter davantage, Arthur partit en courant, à la stupéfaction de l'épicière. Elle compta l'argent, tournant et retournant chaque pièce, empocha la somme et monta préparer la chambre. Au bout d'une heure, Arthur Arrête était de retour, apportant un sac de nuit pour tout bagage. En descendant de voiture, son premier soin fut de regarder les fenêtres de la maison en face. La lumière avait reparu et on distinguait de nouveau derrière le rideau la silhouette d'un homme lisant un journal. La maîtresse du logis conduisait à son appartement son jeune locataire qui, sans s'inquiéter de la médiocrité des vieux meubles garnissant la chambre, alla, dès qu'il fut seul, s'établir derrière le store de sa croisée, d'où il pouvait épier tous les mouvements de son rival. Sa silhouette paraissait et disparaissait alternativement. On devinait que l'homme se promenait dans la chambre car parfois l'ombre s'arrêtait. À minuit, la lumière s'éteignit. Pour le moment, le policier par amour pouvait se reposer.